On retrouve René Cadieux du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo de sport au Québec. Salut René. Salut. René, évidemment, c'est une série de longues entrevues qu'on va faire parce que c'est la sortie de l'automne. Et là, NHL sort cette semaine, mais le 15, ouais, le vendredi. On va parler de Madden. T'as analysé Madden, je t'ai donné du temps. Oui. Comment t'as trouvé Madden? J'ai pas détesté. Disons que c'est sûr qu'il passait au moteur Frostbite cette année. Hein. Il mettait le moteur qu'il utilisait dans FIFA, puis ils ont fait le même. Un gros moteur vidéo qui est solide, là, qui en a dedans, puis qui est utilisé entre autres dans les Battlefield, tout ça. Fait que c'est un gros programme qui est un gros moteur qui est fait pour les PS4 et les Xbox One. Puis si on veut, il y en a dedans. Là, il a un visuel plus beau, la foule plus belle, plus immersif. À ces niveaux-là, tout ça, ça va servir à ça. Mais tu sais, ce qui importe outre ça, c'est que quand on joue à ça, c'est les contrôles, puis tout ça. Pas les contrôles, mais les changements, les gros changements, mais ils ont amélioré les l'IA un peu pour dans le fond. Contrairement à d'habitude, c'est Madden qui va s'adapter aux joueurs et non nous qui va devoir s'adapter au jeu. On va commencer mollo, puis le jeu va tranquillement nous donner du défi. Puis, mettons, quand on se met à gagner, un moment donné, il va se mettre à nous battre encore, puis nous tout le temps nous challenger si on veut. Ça peut être, c'est le fun aussi parmi les nouveautés. Sinon, une des grosses nouveautés, c'est le mode long shot. On incarne un jeune joueur de football là, qui va passer par les oui, si on veut, on va le voir un peu quand il était jeune, on va le voir un peu quand il était jeune, puis c'est des quick time events, si on veut, on appuie des touches de boutons pour faire certains jeux qui vont nous emmener dans l'histoire. Fait que, tu sais, c'est genre une histoire interactive, si on veut, puis c'est très intéressant jusqu'à maintenant. C'est comme je l'ai pas, celui-là, je l'ai pas terminé parce que c'est quand même assez long, là, mais tu sais, c'est comme on se promène partout, le jeune, il va dans un camp pour essayer de se faire choisir plus vite dans le repêchage. Après ça, ben, il y a une équipe qui va le repêcher, et ainsi de suite. Sinon, parmi les autres jeux, mais ceux qui reviennent, il y a Ultimate Team aussi qui ont remodelé, ils ont vraiment approfondi cette année. Là. Disons que tu peux faire des saisons en ligne, tu peux profiter du mode draft pour essayer d'être des champions. Tu as des stars, même le gars justement dans le mode histoire, c'est Devin Wade puis Cold Cruz qu'on suit. Fait que ces deux-là sont dans le mode Ultimate. Là. L'Ultimate, c'est celle qu'on fait nos jeux avec les cartes. On choisit des cartes, puis on va piger le jeu, puis on va aller affronter d'autres équipes. Fait que ça, c'est de retour cette année. On peut y jouer en ligne contre du monde. On peut y jouer en coop aussi à certains modes. Fait que c'est un jeu vraiment complet, vraiment intéressant. Mais c'est sûr que ça reste que, comparativement à l'année passée, côté gameplay, il n'y a pas de grand changement. On a amélioré un peu les receveurs de passe, les coureurs, mais ça reste que on le sent un peu, mais pas trop. C'est comment dire. Mais ça devient difficile d'améliorer, là. C'est ça, à un moment donné, ils vont finir à atteindre une. Honnêtement, il y a tout le temps de la place. Il y a déjà ici, on pourrait introduire le français pour la langue française au moins, au cas de même. Mais c'est encore là, puis introduire les ligues canadiennes. Mais c'est encore là, ça serait plus Madden, là, ça serait juste football 2017. Fait que c'est comme sinon, on va passer. Il reste pas grand-chose pour modeler le contour. Les autres sont vraiment rendus à modeler l'intérieur, emmener, comme je disais tantôt, améliorer le graphique, améliorer les contrôles, parce que oui, il y a des petites. Affaires qui sont un peu tannantes des fois, là, quand les défenseurs, des fois, c'est un peu plus facile à passer, des fois, sont trop durs, fait que ajuster trop un milieu là-dedans, mais ça, ils peuvent le faire au courant de la saison en travaillant des mises à jour, ça, parce que le jeu aussi est constamment mis à jour pour suivre la vraie saison de football qui s'en vient. Puis aussi, il est possible de regarder dans le bois, il y a tout le temps, on donne les scores de ce qui se passe au football présentement, si on veut. Mettons, on joue jeudi, mais on va voir les résultats du match le match bon, à passe. Ça, c'est la nouveauté qu'il n'y avait pas l'année passée, ça. C'est ça, c'est un nouvel ajout intéressant qui fait de ça un chose plus complet. Mais sinon, ça reste pas mal ça côté nouveauté dans Madden. Ça reste quand même, comme je disais, tantôt un très bon jeu de football. C'est à chaque année là, à le chercher, celui-là. Mais encore une fois, tu as une raison d'aller l'acheter puis de passer. En Amérique du Nord, c'est le jeu de sport le plus vendu, si je m'abuse, c'est ça? Lui puis FIFA sont. Ouais. En Amérique du Nord, je te parle. Bon, oui, c'est ça. Ben, comme je te dis, FIFA, il est pas loin en arrière, mais lui, vraiment, il vend assez bien. Je sais que dernièrement, il était au sommet des ventes là, quand il est sorti. Mm-hmm. Fait, ça reste. Ça va être là. Puis il va se faire détrôner par FIFA quand FIFA va sortir. Mm-hmm. Puis après ça, ben, tout au long de l'année, ça va se battre. Je dirais que FIFA est plus complet, fait que puis il va rejoindre un peu plus de monde, fait que des fois il va réussir à vendre plus, mais sinon celui-là, il se vend très bien en Amérique du Nord comparativement à les autres places. FIFA lui se vend bien partout, mais celui-là il se vend pas mal Mieux ici. OK. On va suivre ça de près. Comment tu donnes la note? Tu donnes combien? Un gros 8 sur 10. Ah, OK. Donc, ouais, c'est un jeu intéressant. Ouais, c'est ça, il n'est pas encore à perfection. Il reste encore long. De toute façon, il va tout le temps avoir un petit quelque chose agaçant quelque part dans le jeu. Mais tu l'ajoutes du mode histoire, c'est un... Je trouve que c'est un plus pour le titre. On a du plaisir à y jouer, puis c'est quand même intéressant. OK. Hey, je veux te parler du côté des Jeux olympiques, parce qu'on devait s'en parler cet été. Finalement, oui. Ça a sorti. Les horaires ne donnaient pas, c'est ouais, ça. Oui, ça donnait pas. On entend parler de plus en plus que les Jeux olympiques pourraient, à Tokyo 2020, accueillir des jeux vidéo. On en a parlé, je suis pas d'accord du tout. Moi, je considère, puis je suis pas anti jeux vidéo, j'en ai des jeux vidéo, puis j'ai la PS4, puis j'en la jette. Sauf que je considère que c'est pas un sport. Et ça, il y a personne qui va me dire le contraire. Toi, René, t'es encore plus dans le domaine. Aux Jeux olympiques, les jeux vidéo, ça n'a pas de sens. Ben, moi, personnellement, ce que je trouve qu'ils devraient faire, c'est de faire eux autres, même leurs jeux olympiques à côté, là, faire leur bande, leur sport, leur e-sport, leur compétition avec toutes les... Au niveau, de toute façon, honnêtement, de la façon que c'est parti à date, je dirais que les cotes d'écoute seraient très bonnes parce qu'on est déjà très bonnes. C'est pour ça que les postes de sport, justement, mais comment tu peuvent pas passer à côté de ça. Comment, c'est quoi le trip? C'est sûr que là... Honnêtement, le gars qui va jouer aux jeux vidéo, celui qui est rendu là-bas, a un entraîneur privé pour la nourriture, il y a un entraîneur privé pour être en forme. Il va justement jouer. C'est pour ça que ça devient, en quelque sorte, un sport parce qu'ils suivent un entraînement quand même... Assez, tu sais, oui, c'est moins gros que le gars qui va aller faire la natation ou l'athlétisme, mais. Tu me dis que, les. Je sais, parce que je sais qu'actuellement, il y a un lobby. Je sais qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en jouant à des jeux vidéo. Parce que les e-sports, là, si les gens pensent que le ils pensent que c'est pas populaire, détrompez-vous, là. On remplit le Staples Center, on remplit le Madison Square Garden. Donc, c'est énorme là, comme business, mais ça reste que c'est pas un sport. Pour moi, c'est pas un sport. Non, ça, je te dis, tu vas avoir des gars qui vont s'entraîner à ça. C'est à ce point-là qu'on peut dire que ça devient un sport, parce qu'il y en a qui, comme je te dis, ils suivent un entraînement quasiment comme un joueur de hockey. Comme je te dis, ils ont des nutritionnistes, ils ont leur routine le matin de sport, d'exercice, de ci, de ça. Après ça, ils vont s'installer puis jouer pendant une coupe d'heure, refaire une autre affaire, revenir à jouer une coupe d'heure. T'es rendu professionnellement. T'sais, c'est sûr que toi et moi, on fait pas ça, mais eux autres, c'est rendu à... Il y en a qui sont rendus à ce point-là pour pouvoir performer. Il y en a d'autres qui le font pas, mais il y en a qui le prennent ça. Fait que, oui, à ce point-là, ça peut être vu comme un sport, mais encore là, ça risque des compétitions de ça aux Olympiques. Moi aussi, je suis comme un peu ambigu là-dedans. Personnellement, je me détache des Olympiques parce que je commence à être tanné de voir tout le temps les mêmes disciplines. Fait que... Mais j'irais pas l'écouter plus parce que ça, moi je veux du BMX, je veux du skate, je veux des affaires de main qui est un peu plus poussé que le gars qui court son tour de piste en 4 minutes. Tu sais, Sunball, c'est intéressant, mais les marathons de 10 heures, les gars sont endurants, sont super le fun, mais à regarder, c'est du plat, ça reste, puis ils passent tout le temps d'une compétition à une autre qu'on... Ben, ici, ça va viser juste ce qui est canadien, puis qu'on fait comme... Ouais. On manque un paquet de trucs, c'est qu'on n'est pas bon, tout ça. Fait que, tu sais, ça reste de quoi que je vois pas vraiment la nécessité d'aller aux Olympiques. Comme je te dis, moi, ils pourraient faire à côté leur Olympique à eux, les Olympiques Gaming, peu importe qui l'appelle, mettre ça là. Mais, tu sais, comme je te dis, ici, où la plupart des chaînes de sport vont pas passer à côté du e-sport. Fait, justement, ça s'appelle e-sport, il y a le mot sport dedans, puis à loin, si on veut, dans les branches, il y a un lien avec. Fait que les gens vont être portés à dire que c'est ça, puis avec la cote d'écoute que ça amène, tu sais, je parle côté, tu regardes sur Internet, les Twitch, les Staples Center, comme tu dis, comment ça remplit la poste de sport qui présente, mettons, le poker, puis qu'on a, il se dit, bon, mais pourquoi je présenterais pas ça sur mon RDS2, admettons, juste pour aller chercher un 300-400 000 personnes de plus, ils vont tout faire pour essayer de présenter du monde, fait que, à ce point-là, si ce poste-là met ça, mettons, on va dire, poste américain de sport met ça aussi, ESPN en met, admettons, mais, tu sais, pourquoi les Olympiques ne disent pas, ben nous autres, si on veut notre part, là, si on est capable d'aller chercher un 200-300 000 ou 2-3 millions ou 20 millions de plus de personnes qui vont regarder pour ça, ben ça va être bon pour nous autres, parce que le monde, justement, commence à être étonné de voir le marathonien courir pendant 3 heures, ou l'autre gars, la même compétition, ou les qualifs qui en finissent plus, qui n'arrivent pas. Fait que d'après moi, c'est à ce point-là que peut-être qu'ils veulent regarder ça. C'est plus un point de vue économique et visuel que point de vue, le e-sport est un sport, ben tu sais, je te dirais, tu parlerais à des gens justement qui jouent là-dedans. Ils vont dire oui, c'est un sport parce que justement, Ben oui, j'avais parlé il y a avec. une base, il y a un entraînement, puis il y a du stock. J'avais parlé à Patrick Pigeon, qui est celui qui travaille pour que ce soit reconnu comme une fédération, une fédération québécoise de jeux vidéo. Puis j'en avais parlé l'année passée. Puis c'est sûr que bon, il dit qu'il y a des mouvements de main, puis ainsi de suite. Oh, ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ah, mais Mais c'est pas ça, c'est les à mouvements. partir du moment, est-ce que tu considères le cerveau comme étant un muscle? Si tu le considères comme un muscle, j'embarque. Si tu le considères pas comme un muscle, j'embarque pas. Ben, c'est ça, à la rigueur, c'en est un, parce que c'est lui qui te fait faire un paquet de trucs, là. Mais tu sais, Mais ça reste c'est un un débat, là. moteur, un. Ben, c'est Okay. ça va rester tout le temps le même. Mais tu sais, comme je te dis, si tu regardes juste le côté de est-ce que pourquoi il y a là-dedans, si on regarde, on n'a pas à regarder loin, notre ancien champion, ben Georges Saint-Pierre, vient Ouais. de. En fin de semaine, il y avait un événement à Montréal, le DreamHack. Vous allez pouvoir justement lire un peu sur ça. Un de mes collègues qui a été là-bas, il a été voir ça. Puis, tu sais, comme vous allez voir là-bas, voyons, Georges Saint-Pierre a dévoilé qu'il allait donner son appui à une équipe de e-sport, qu'il allait former une équipe de e-sport là-bas, Ah. puis s'occuper des autres. Tu sais, c'est rendu que Georges Saint-Pierre va là-dedans aussi. Fait que c'est pour ça que je te Non. dis, c'est rendu gros. C'est du gros, puis ils savent qu'il y a du monde là-dedans, puis il y a des affaires, il y a de l'argent, il y Ben, a les toutes Grands Prix de de Formule fou. 1 qui ont annoncé qui pourraient parce que je doute pas que c'est gros parce que la F1 vient d'annoncer le vrai circuit de la F1. Je sais pas si tu as vu passer ça, René, au cours des derniers jours. Oui. Il a annoncé un lancement parallèle sur les jeux vidéo d'un circuit de e-sports. Je doute pas là, écoute. Les jeux vidéo, c'est plus d'argent encore que l'industrie du cinéma. Ben, c'est ça, Et c'est drôle, tout le monde veut avoir sa cote là-dessus, puis. la NFL aussi qui vient de lancer un circuit, je sais pas si tu as vu ça aussi. Eh oui, NFL Sunlight, Sunday, en tout cas. Ouais. Faut checker, parce qu'ici au Québec, souvent, on est enlevé de tout ça, là, mais. Ouais. Ça reste que oui, ça va partout, puis comme je te dis, d'après moi, tout le monde va avoir leur part du gâteau, fait que. En disant qu'on regarde pour être aux Olympiques, ça fait on regarde ça, on a envie d'avoir notre morceau de gâteau nous aussi, mais on verra bien avec le temps, ou on verra bien ce que ça va donner. Ok. La semaine prochaine, là, ils sont. Je veux te donner une semaine. Vendredi. Ouais, fait que je vais te donner une semaine. Le jeu de vidéo de sport que tout le monde attend. NHL 2017, 17, 18. 2018, ouais. 18, ok. Fait que René Cadieux, du site internet game-focus.com, on s'en reparle. Ouais, c'est bon. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup.